الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد انتهينا الجمعة الماضية من صلح الحديبية وتذكرنا ولم ننتهي بعد سرية أو ما حصل قبل خيبر la semaine passée nous avons fini l'histoire de صلح الحديبية le retour du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Medina et ce qui s'est passé entre la fin de Sulh al-Hudaybiyah et Ghazwatu Khaybar. Non. فكنا نتحدث عن سرية أو غزوة ذي قرد. L'imam al-Bukhari ainsi que l'imam muslim rahmatullahi alayhima ont cité cette histoire. Et lorsque Abdurrahman Fizari est venu à Medina avec d'autres personnes et ils ont volé des richesses des habitants de Medina, des richesses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des bêtes, et il y avait parmi eux ou bien et les a rejoints Salamatu ibn al-Aqwa qui était en train d'abreuver le cheval de Abu Talha radiallahu anhuma. Et Salamatu ibn al-Aqwa était un des nobles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connu et reconnu pour sa force, sa bravoure, son courage. Il a donc lancer l'alerte et s'élança à leur trousse radiallahu anhu. Et toute la journée, ou bien du matin au soir, il les a suivis lui-même radiallahu anhu. On relate cela. Donc on va reprendre le long hadith et résumer certaines de ses parties. Il a donc crié à Sabahah à trois reprises. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait parvenir sa voix à l'ensemble des gens de Al-Madina. Les gens de Al-Madina, radiallahu anhum, se sont donc préparés pour venir voir ce qui se passait et repousser l'ennemi. Salamatu ibn al-Aqwa a dit au jeune homme de repartir avec le cheval. Quant à lui, à pied, il s'élança à leur trousse, les a rattrapés et les visait de ses flèches, jusqu'à en blesser plusieurs parmi eux, ainsi que leurs bêtes, et a pu ainsi récupérer les bêtes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de cela, plusieurs de leurs armes, leurs armures et d'autres richesses. Naam. Pour pouvoir se sauver, à vive allure, ils ont commencé eux-mêmes à se décharger de certaines choses qu'ils avaient avec eux. Ainsi, Salama, radiallahu anhu, mettait sur son chemin des signes afin de pouvoir se repérer, tels des pierres marquant son chemin. Puis, ils ont escaladé une montagne et ont essayé de se sauver en passant un chemin qui se trouvait entre deux montagnes. Mais Salama, radiallahu anhu, les a rattrapés, a escaladé, a monté au sommet de cette montagne, et leur lancé des pierres, radiallahu anhu. Un homme de leur tribu est arrivé et leur a dit, que quatre parmi vos hommes s'en prennent à lui, afin qu'on en finisse. Mais Salamatu ibn al-Aqwa était un homme très brave, courageux et très fort. Il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Il leur a dit وَالَّذِي كَرَّمَ وَجْهَ مُحَمَّدٍ, par celui qui a anobli ou honoré le visage de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, لَا أَطْلُبُ رَجُلًا مِنْكُمْ إِلَّا أَدْرَكْتُهُ, je ne viserai aucune personne parmi vous si ce n'est en l'atteignant, et personne parmi vous ne tentera de me toucher alors qu'il réussira. Ils ont dit, yani ils ont rebroussé chemin et ont eu peur de Salama radiallahu anhu. Puis il a été rattrapé plus tard par plusieurs des cavaliers du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi eux Abu Qatada, qui est le cavalier par excellence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec eux, et le premier d'entre eux était Al-Akhram, Al-Akhram radiallahu anhu, puis Abu Qatada Al-Ansari radiallahu anhu, puis Al-Miqdad, puis Al-Miqdad ibn al-Aswad Al-Kindi radiallahu anhu. Alors Salama a bloqué Al-Akhram, qui à toute allure a voulu se jeter sur l'ennemi. Salama lui a demandé de patienter, de faire attention et d'attendre la cavalerie. Mais cet homme a dit, Ya Salama, in kunta tu'minu billahi wal yawmil akhir wa ta'lam anna al jannata haqqun wan nara haqq fala tahul aw fala tahul na'am bayni wa bayna al jannah. Salama radiyallahu anhu, ou plutôt Al-Akhram a dit à Salama, qui tentait de le faire patienter en attendant l'aide, l'armée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Al-Akhram lui a dit, ô Salama, si tu crois en Allah et au jour dernier, et tu sais que le paradis est vérité, que l'enfer est vérité, ne te mets pas entre moi et ce but honorable. Ne te mets pas entre moi et ce but honorable, celui dont la finalité est le paradis. فَخَلَّيْتُهُ, Salama dit, je l'ai donc laissé passer. فَالْتَقَهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ, ils se sont donc, lui et Abdur Rahman, ماذا, ils ont combattu ensemble. Abdur Rahman était celui qui est venu voler les biens des gens de Medina, et c'était une des têtes de sa tribu. Et Al-Akhram était un noble compagnon. فطعنه عبد الرحمن وقتله الفزاري عبد الرحمن, donc celui qui avait volé à la base, a touché Al-Akhram, le compagnon, de son épée, et des suites de cela, Al-Akhram radiallahu anhu est décédé. Par la suite, ils se sont sauvés. Salama ibn al-Aqwa radiallahu anhu leur a dit, attendez l'arrivée de la cavalerie. Quant à lui, il nous dit radiallahu anhu, ittabi'tuhum, je les ai suivis, a'du ala rijli, en courant sur mes pieds, yani en courant à pied. Donc eux étaient sur leur monture, et Salama, qui avait couru du matin, na'am, a couru et n'a cessé de les rattraper, de les empêcher, de les retenir, et a même récupéré tous les biens du prophète sallallahu alayhi wa sallam et plus encore. Il a tellement couru vite qu'il dit, en décrivant cette scène, hatta ma ara wara'i min ashabi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wala ghubarahum shay'a. Il dit, j'ai couru jusqu'à ne plus voir derrière moi un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni même la poussière. C'est-à-dire que lorsque le cheval na'am galope, ça soulève le sable, n'est-ce pas? Il a dit, même cela je ne le voyais plus. Même cela je ne le voyais plus. Puis il nous dit qu'il a continué cela jusqu'à proche du coucher du soleil. L'histoire a commencé le matin. Et là, nous arrivons proche du coucher du soleil, subhanallah. Il a couru de après le fajr. Il était dans cette situation de après le fajr jusqu'au maghrib, radiallahu anhu. Puis il les a vus arrêter dans un chemin. Et ils étaient en train de boire et de se rafraîchir. Et ils étaient assoiffés. Donc, je les ai vus, je me suis approché d'eux et je les ai exilés. Sans les laisser boire une goutte d'eau. Salama, seul, Naam a avancé vers eux. Ils se sont sauvés alors qu'ils étaient assoiffés. Ils n'ont pas pu boire une goutte d'eau. Puis ils sont passés fi Thaniya. Thaniya, yani c'est l'espace qu'il y a entre deux montagnes lorsque tu es en chemin. Ou le mont d'une petite montagne. Il l'a donc escaladé et les visait de ses pierres et de ses flèches. Et il disait comme il disait au matin, « Khudha wa ana ibn al-Aqwa. » Prends cela et je suis ibn al-Aqwa. « Wa liyawma yawm rudda. » Ay halak. « Qala ya thakilathu ummu. » Aqwa bukra. Un des hommes, lorsqu'il a entendu ibn al-Aqwa, il s'est souvenu de son nom ce matin. Il a dit que sa mère le perde. Est-ce que c'est l'Aqwa de ce matin? Yani, comment est-ce possible? Le Aqwa de ce matin, est-ce que c'est le même en cette soirée? Il lui a dit oui, Aqwa'uha ou Aqwa'uka bukratan. Il lui a dit oui, c'est le Aqwa, c'est ton Aqwa, celui qui s'est occupé de toi ce matin. Par la suite, à nouveau, ils se sont sauvés, mais les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont arrivés. Alors ils lui ont apporté de l'eau mélangée à du lait. Il a pu boire et par la suite il a pu faire ses ablutions comme il nous le dit dans le hadith. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il lui a dit qu'il lui a récupéré l'ensemble de ses chameaux et lui a raconté la situation. Et il y avait Bilal qui préparait de la nourriture pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis Aqwa a dit, Salamat ibn al-Aqwa a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, permets-moi de prendre 100 parmi les hommes, de les rattraper et d'en finir avec eux. Fadahika Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis à rire jusqu'à ce que ses mollets fût découvertes. Et Mahda, il lui a dit au Salama, puis il l'a informé de la position de ses hommes. Mahda min a'lam al-nubuwa. Et ceci fait partie des signes de la prophétie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé Salama qu'ils étaient à Ratafan et qu'ils étaient en tant qu'invités, et qu'à ce moment même, ils étaient en train de manger ou de boire. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné la part, yani, des parts de cette bataille, et lui a donné une double part. Il lui a donné une double part. Et sur le chemin du retour, lorsqu'ils sont rentrés à Medina, il y a un homme parmi les Ansar qui n'avait aucune concurrence dans la course à cheval. Et il a crié « Hal min musabiq ?» Est-ce qu'il y a une personne qui veut faire la course avec moi? Et personne ne lui répondait. Puis il a dit à nouveau « Hal min musabiqin ila al-Madina ?» Est-ce qu'une personne veut faire la course avec moi jusqu'à al-Madina? Et personne ne lui répondait. Alors, Salama lui a dit « أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا قال لا إلا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. Par la suite, Ibn al-Aqwa رضي الله عنه a dit au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي ذرني لأسبق الرجل أو فلأسبق الرجل. Il lui a dit au messager d'Allah, je donnerai ma mère et mon père pour toi en rançon, permets-moi de faire la course avec cet homme. Le prophète alayhi salam lui a dit inchit. Il lui a dit si tu veux. Alors ils ont fait la course. Salama nous dit qu'il a retenu quelque peu sa monture, c'est-à-dire qu'il n'est pas parti à toute vitesse. Lorsqu'il y avait les bons, il la retenait un peu, il économisait les forces de sa monture et les siennes. Puis, arrivé proche de Al-Madina, il l'a rattrapé et là, il s'est dépensé au maximum jusqu'à dépasser cet homme. Et il ne s'est pas contenté de cela, mais il lui a mis un coup dans le dos, comme une gifle, mais dans le dos. Et il lui a dit, « Soubikta, tu t'es bel et bien fait dépasser. Tu t'es bel et bien fait dépasser. » Et l'homme a dit, « Naam. » Et l'homme a reconnu donc sa défaite. Puis Salamat ibn al-Aqwa' nous dit, « Fawallah, ما لبثنا إلا ثلاث ليال حتى خرجنا إلى خيبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis il dit par Allah, nous ne sommes restés que trois jours, ou bien que trois nuits sont passées avant de partir à Khaybar avec le prophète صلى الله عليه وسلم. Donc cette razwa et razwatu ذي قرد. Et l'appellation vient du point d'eau. Par la suite, il y a eu la Sariya de Aban ibn Sa'id. Aban ibn Sa'id. Le premier s'appelait Salamatu ibn al-Aqwa, radiallahu anhu. Et c'est celui qui, lors de Sulh al-Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé à trois reprises de prêter allégeance. Naam. Et ici c'est Aban ibn Sa'id ibn al-As. Aban ibn Sa'id ibn al-As, c'est la dernière Sariya qu'il y a eu avant ce grand moment historique, Ghazwatu Khaybar. Les savants nous disent qu'il n'y a pas eu beaucoup de tafasil, de description concernant cette Sariya, mais on nous enseigne dans le hadith que ça s'est passé qibal al-Najd, en direction de Najd. Et l'imam al-Bukhari rapporte qu'Abu Hurayra radiallahu anhu a dit que le prophète alayhi salatu wassalam a envoyé Aban ibn Sa'id à la Sariyati. Il l'a envoyé de Medina en direction du Najd. En direction du Najd. Et lorsqu'ils sont revenus, Aban ibn Sa'id et ses compagnons, ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khaybar et ils l'avaient ouvert. Ils avaient vaincu sur les gens de Khaybar. De cela, il y a une faïda dans le tarif. C'est que des savants ont divergé. Est-ce que Ghazwatu Dhi Qarab et Sariyatu Aban se sont déroulés avant Sulh al-Hudaybiyah ou après? Ici, il y a la preuve que c'est après, mais avant Ghazwatu Khaybar, comme les termes de ce hadith nous en informent. Lorsque Aban ibn Sa'id est arrivé à Khaybar, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam une part du butin. Abu Hurayra a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas lui accorder. Abu Hurayra, radiallahu anhu, lorsqu'il l'a vu, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de ne pas lui accorder. Pourquoi cela? Premièrement, Abu Hurayra, radiallahu anhu, s'est converti quand à l'islam? Mata aslam Abu Hurayra? Indama. Abu Hurayra, un grand sahabi comme celui-ci, on doit le connaître. Naam. Masmu Abi Huraira, quel est le prénom d'Abu Huraira? Abdurrahman ibn Sakhar. Naam. Ça, c'est un avis qui est connu. Les savants ont grandement divergé sur son prénom. Naam. Et Al-Allama, Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i disait, Washtuhira bi kunyati. Sa célébrité a eu lieu avec sa kunya. Il s'est fait connaître par sa kunya. Naam, il s'est fait connaître par sa kunya. Qui est le plus grand rapporteur de hadith de l'islam? Qui est le plus grand rapporteur de hadith de l'islam? Abu Hurayra? Abu Hurayra dit que ce n'est pas lui. Toi, tu dis que c'est Abu Hurayra? Abu Hurayra dit que ce n'est pas lui. Naam, ابن عباس، عائشة رضي الله عنها. عائشة elle restait chez elle. Comment est-ce qu'elle a pu prendre tous les hadiths qui se sont produits dehors? Abdullah ibn al-Ash. Abdullah, ce n'est pas ibn al-Ash. Tu as fait tomber quelqu'un de très important. Abu Hurayra. Il s'appelle Abdullah ibn Amr ibn al-As. Donc c'est Amr ibn al-As. Abu Hurayra radiallahu anhu a dit: Kuntu ahfar wa la aktub. Je mémorisais et je n'écrivais pas. Et Amr, ou bien Abdullah ibn Amr, il écrivait et il mémorisait. Donc il voyait qu'il avait plus de hadith que. Et il avait des soucis de mémorisation. Fashakawt dhalika ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui a dit: je ne retiens pas tous les hadiths. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a mis son vêtement dessus, il a fait dua pour lui. Abu Hurayra dit: fama nasitu shay'a. Je n'ai plus jamais oublié. Naam. Et l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, dit: les grands mémorisateurs de hadith, tabaqat, sont à différents degrés. Dhurwatuhum, le meilleur d'entre eux, le plus haut d'entre eux, c'est Abu Hurayra. C'est Abu Hurayra. Donc le plus grand apporteur de hadith de la communauté, c'est Abu Hurayra. Et il y a une chose très étonnante dans cela. Laquelle? Ça revient à notre question: quand est-ce qu'il est entré en islam, Abu Hurayra? Il ne fait pas partie des premiers convertis. Loin de là. Non. Quand est-ce qu'il s'est converti à Abu Hurayra? Avant la mort du prophète sallam, ça sans aucun doute. Un sahabi, il n'a pu se convertir que avant la mort du prophète sallam. Sinon, c'est pas un sahabi. Non. Donc. Non. Comment? 8 ans après la hijra. Qu'est-ce que vous dites? Abdel Hafid, ma la taqoul? Allahu alam. Abu Hurayra, radiallahu anhu, s'est converti lors de Khayba. Il s'est converti lors de Khayba. Fa'ataytu al-Madinah, idha bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi Khayba. Quand Abu Hurayra s'est converti à l'islam, il est venu rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui voulaient trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam venaient où? Al-Madina. Il dit: je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé celui qu'il a laissé. J'ai prié derrière lui. Puis je l'ai rejoint à Khayba. Naam. Il a rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khayba. Aban ibn Sa'id est revenu de sa sariya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà vaincu et ouvert Khaybar. Qu'est-ce qu'a ouvert Khaybar? Qu'est-ce qu'a ouvert Khaybar? Naam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoyait les gens. Qu'est-ce qu'a ouvert Khaybar? Ma'aruf jiddan, c'est très connu. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Vous avez tous étudié Kitab al-Tawhid, n'est-ce pas? Vous avez tous étudié Kitab Tawhid, n'est-ce pas? Hein? Dans Kitab Tawhid, quel est le troisième chapitre? Le quatrième chapitre, le cinquième chapitre? Quel est le premier chapitre? On recommence Kitab Tawhid. C'est pour ça que vous faites semblant de ne pas savoir. Taïr. Dans Kitab Tawhid, on a étudié le chapitre sur l'appel au tawhid, n'est-ce pas? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a envoyé Ali ibn Abi Talib, lui a dit: la'utiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulah wa yuhibbuhu Allah wa rasuluh yaftahu Allah ala yaday. Donc c'est Ali ibn Abi Talib, comme on le verra inshallah ta'ala. Pourquoi est-ce que Abu Hurayra a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: la tu'ti, ne lui donne pas du butin? نعم. أبان بن سعيد s'est converti à l'islam par la suite, mais il a participé à des batailles du côté de Quraysh. Il a participé à des batailles en étant du côté de Quraysh. Et lorsque Abu Huraira radiallahu anhu l'a vu, il a dit que c'est l'assassin. Il a cité le sahabi qu'il a tué. Alors Aban ibn Saïd l'a mal pris. Vous avez compris la situation. Il est venu musulman. Et il a demandé une part du but. Abu Huraira lui a dit, la tu'ti ya Rasulallah, ne lui donne pas. Fahuwa qatil fulan. C'est celui qui a tué un tel parmi les sahaba. Puis ils ont débattu. Au final, le prophète alayhi wasallam ne lui a pas accordé de part. Pas que pour cela. Pas pour cela. Mais la ghanima de Khayba a été partagée uniquement aux gens qui ont participé à Al-Hudaybiyah. Exception faite de Abu Hurayra. Exception faite de Abu Hurayra. Et si vous vous souvenez la semaine passée, quand est-ce que Suratul Fath a été révélée? Après le traité de Hudaybiyah sur le chemin du retour. Et dans cette surah, on nous informe qu'Allah leur a donné maghanima kathira, de nombreuses parts. Et cela a été partagé uniquement aux gens de Al-Hudaybiyah. Alors Aban ibn Sa'id radiallahu anhu a dit à Abu Huraira, Mada wa anta bihada ya wabr, toi tu as cette place auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et tu me parles ainsi alors que toi-même tu portes ce que tu portes, c'est-à-dire toi tu as une part, na'am, et tu tentes de m'empêcher d'en avoir une. Aban ibn Sa'id à Sulh al-Hudaybiyah, il a fait une action particulière. Laquelle? Laquelle? Celui qui trouve la réponse, je lui offre un téléphone. C'est quoi les beaux téléphones prisés? Dis-moi le nom d'un bon téléphone prisé. iPhone, tu fais partie des gens d'iPhone. iPhone combien? Comment? Non, comme vous connaissez. 6. Les gens, ils sont arrivés au 10. Il a voulu être rahim envers mes économies. Celui qui trouve, on lui offre un iPhone 6. Celui qui trouve la réponse, on lui offre un iPhone 6 dans la semaine, inchallah. Aban ibn Sa'id a fait une chose particulière. Maintenant, il y a des mains hésitantes. Allah musta'an. Man 'inda al-jawab. Celui qui trouve les trois quarts de la réponse, on lui donne aussi. Je vous dis un indice. Tfaddal, t'as la réponse? T'as levé la main, pourquoi? Dis ce que tu penses. Le prophète sallam l'a sollicité trois fois. Non, ça c'est Salamat ibn al-Aqwa. Aban ibn Sa'id, durant Sulh al-Hudaybiyah, n'était pas musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé Omar ibn Khattab radiallahu anhu et il l'a envoyé en tant qu'émissaire chez Quraysh. Omar ibn Khattab, qu'a-t-il dit? Vous vous souvenez? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de choisir plutôt Uthman ibn Affan par rapport à sa place chez Quraysh et la mana'a qu'il avait dans sa tribu. Puis Uthman ibn Affan est parti en tant qu'émissaire du prophète alayhi wa sallam chez Quraysh. Na'am, ils l'ont accueilli. Wa ajarahu Aban ibn Sa'id. Aban ibn Sa'id, c'est celui qui a mis sous sa protection Uthman ibn Affan. Et il a dit à Quraysh, personne ne touche. Il est sous mon diwa, il est dans mon diwa. Puis il est parti à Al-Ka'ba. Puis il lui a dit, fais le tawaf. Si tu veux, fais le tawaf. Et Uthman ibn Affan a dit, jamais je ne ferai de tawaf avant le prophète alayhi salatu wassalam. Donc Aban ibn Sa'id, subhanallah, a eu un bon comportement à Sulh al-Hudaybiyah. Et lors de l'événement suivant, Allah azza wa jalla l'a guidé à l'islam. Lors de l'événement suivant, Allah azza wa jalla l'a guidé à l'islam. Donc Aban ibn Sa'id, c'est celui qui a accueilli Uthman ibn Affan radiallahu anhu et le iPhone reste ici. Naam. Abu Huraira radiallahu anhu a une part de du butin de Khaybar. Il a une part du butin de Khaybar, c'est l'exception. Sinon, l'entièreté du butin a été accordée à ceux qui ont participé à quoi ? Al-Hudaybiyah. À Al-Hudaybiyah, radiallahu anhum. Abu Huraira a dit, « Hada qatala ibn Qawqal. » En parlant de qui ? Aban ibn Sa'id. Lors d'une bataille, Aban ibn Sa'id, ou lors d'un événement, Aban ibn Sa'id a assassiné Ibn Qawqal. Ibn Qawqal, c'est un sahabi, radiallahu anhu, il s'appelle... Comment s'appelle Ibn Qawqal? Al-Nu'man. Al-Nu'man Ibn Malik, radiallahu anhu. Cela, bien évidemment, avant qu'il se convertisse. Donc, lorsque Abu Huraira lui a reproché cela, Aban ibn Sa'id radiallahu anhu a dit « Wa ajaban » Oh comme c'est étonnant. Écoutez la phrase qu'il lui a prononcée. Il lui a dit « Ataloumouni ala abdin akramahu Allah subhanahu wa ta'ala ala yaday wa lam yuhimni ala yaday » Et il lui a dit, oh comme c'est étonnant. Toi, avec la place que tu as, tu es un sahabi, et tu me dis ça. Tu me reproches, tu me fais des reproches. Alors qu'Allah l'a honoré de mes mains, et ne m'a pas humilié avec les siennes. Qu'est-ce que ça veut dire? Il l'a honoré avec mes mains. Naam. C'est-à-dire que suite à cette action, Allah Azza wa Jalla lui accorde le jannah. Et il ne m'a pas humilié avec ses mains. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, si c'est lui... Il serait décédé dans quoi ? Dans le kufr. Dans le kufr. Et ça, c'est l'ihana. Et ça, c'est l'humiliation et la perdition totale. Donc, Aban ibn Sa'id, radiallahu anhu, a eu cette répartie. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Idlis, il ne lui a pas donné une partie du butin de Khaybar, radiallahu anhum. Et on retrouve ce hadith dans le recueil d'Abi Daoud radiallahu rahimahullah, et on trouve une partie dans le recueil d'Al Bukhari rahimahullah ta'ala. Dans une version, juste pour information, on trouve que c'est Abu Huraira qui a demandé une part et que c'est Aban qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui donne pas. Il y a au minimum 3 riwayat. Il y a au minimum 3 riwayat, wallahu a'lam. Et ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a donné du butin que à ceux qui étaient à Al-Hudaybiyah. Nous passons maintenant à Ghazwatu Khaybar. C'est une grande bataille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les tribus de Banu Israël Al-Madina était au nombre de 3. Quel est leur nom? Et à la suite de chaque grande bataille, ils ont trahi un pacte et ont subi les conséquences de leur trahison. Quelles sont les 3 tribus de Banu Israël qui se trouvaient à Al-Madina, qui cohabitaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Al-Madina? La première, et suite à la ghazwa de Badr, Banu Nadir, c'est la première? Non. Naam. Là. Il n'en reste qu'une. Là, vous ne pouvez pas vous tromper. Naam. Banu Qaynuqa. Après la bataille de Badr, ils ont trahi. Naam. Ensuite, Ndaman. سفيان تعرف بانيو لا عند من بانو النظير سويت اكل باتاي إذن خي النبي صلى الله عليه وسلم أجل البعض قاتل البعض وسامح البعض il a excusé les premiers après l'intercession de Ubay ibn ماذا عبد الله بن أبي بن سلول نعم il a exilé les deuxièmes Banu Nadir où sont partis Banu Nadir نعم à Khaybar, c'est pour ça que on en parle. Ils sont partis à Khaybar. Lorsqu'ils sont partis à Khaybar, le prophète alayhi salatu wasalam a fait un pacte avec eux, mais ils ne respectent pas les pactes. Il leur a dit vous partez avec tout ce que vous pouvez porter. Mais vous laissez l'or, l'argent et les armes. L'or, l'argent et les armes. Qui était leur chef? Qui était leur chef? Avec lui, le plus connu, Huyay. Naam, Huyay, ibn Akhtab. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché des richesses dans un tissu ou dans un récipient. Et il est parti avec. Il est parti avec. Naam. Par la suite, même, c'est, t'as raison, Hassan, c'est sa kunya. Naam, c'est sa kunya. Et je me suis trompé quand je t'ai dit un autre. C'est le même, mais ce que tu as cité, c'est sa cône. Asabtu akhtat. Asabta wa akhtatu. Donc, ماذا? Ils ont trahi. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit que s'ils trahissent, le pacte est interrompu. S'ils trahissent, le pacte sera interrompu. Donc là, je vous ai resitué l'histoire. Et les derniers, ce sont Bani Qurayba, qui ont trahi et ont rompu le pacte suite à la pression de Bani al-Nadir. Naam, ils les ont poussés à rompre le pacte. Taïb. On rentre dans Ghazwatu Khaybar. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré de l'Hudaybiyah, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis de nombreuses richesses. Allah nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Fath, « لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وثابهم فتحا قريبا » Allah vous a promis un abondant, ou plutôt avant ça, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude. Et il les a récompensés par une victoire proche. Al-Fath ici, les gens divergent sur ce qu'est Al-Fath. Al-Sahaba, vous voyez qu'Al-Fath c'était Ma'adha Al-Hudaybiyah. C'était Al-Hudaybiyah. Wa maghanima kathiratan ya'khudhunaha wa kana Allahu azizan hakima. Ça c'est Khaybar. Ça c'est Khaybar. Et il vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter, Allah embrassé en sa puissance, et qu'Allah embrassé en sa puissance, car Allah est omnipotent. Avant ça, verset 20, Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez. Il a hâté pour vous celle-ci, et a repoussé de vous les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'ils vous guident dans un droit chemin. Ça fait référence à Khaybar. Ça fait référence à Khaybar. Il a promis cela à ceux qui ont participé à Al-Hudaybiyah. Wa'adakumullahu maghanima kathiratan ta'khuduna fa'addalakum hadhi wa kaffa aydiyan nasi ankum wa litakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alayha qad ahata Allahu biha wa kana Allahu 'ala kulli shay'in qadira. Jusqu'à la fin des versets. Dans le recueil de l'imam al-Bayhaqi, ou plutôt dans Dala'il al-Nubuwa de l'imam al-Bayhaqi, rahimahullah ta'ala, lors de ce passage, on nous dit « Inna Khaybar ». Ce sont les C'est le butin de Khaybar. Donc dans le tafsir, on trouve que ce passage-là fait référence à Khaybar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu de Al-Hudaybiyah dans Dhul-Hijjah. Il est resté à Mada peu de temps. Et lors du mois de Muharram, en l'an 7, il est parti pour Khaybar. Lors du mois de Muharram, en l'an 7, fi sanati sabi'a ba'd min al-hijra, il est parti à Khaybar. Il y a une divergence sur le moment. Khaybar, hiya mantiqatun min nahiyati al-Hijaz, shamal al-Madina. تقع شمال المدينة على طريق الشام خيبر donc c'est une région ou une ville. Elle comportait plusieurs forteresses. نعم elle comportait plusieurs forteresses et de nombreux jardins et de nombreuses palmeraies Il y avait 7 grandes forteresses d'un coin et d'autres dans un autre endroit. Et le sens de Khaïba, c'est Rufran, c'est le pardon. Le sens de Khaïba, c'est Rufran dans leur langue. Ça a une distance de voyage de El Medina. La cause de Razwatu Khaïba est que Banu Nadir, lorsqu'ils ont fui Al-Madina, ont été exilés d'Al-Madina, leurs grands, leurs têtes, sont partis à Khaybar. Notamment, Salam ibn Abi al-Huqayq. Kinana ibn al-Rabi'a. Et Huyay ibn Akhtab. Lorsqu'ils sont venus à Khaybar, les gens de Khaybar se sont soumis à eux. Et ils ont laissé la tête de leurs affaires. Ils avaient donc une haine à l'égard du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Ils ont donc toujours tenté de comploter contre eux, d'aider leurs ennemis tels que Quraysh et autres. Et ils ont même poussé Banu Qurayza lors de la bataille de l'Ahzab à rompre le pacte de non-agression et à se retourner contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la Sariya, Salam ibn Abi Huqayq est décédé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé Abdullah ibn Atiq. Ça c'est la Sariya de Salam, ou bien la Sariya de Abdullah ibn Atiq contre Salam ibn Huyay, ou plutôt Salam ibn Abi al-Huqayq. Après Sulh al-Hudaybiyah, il y a eu le pacte de non-agression avec Quraysh. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi cette occasion, na'am, pour régler les choses avec qui? Avec Khaybar, avec les gens de Khaybar, où il y avait Banu Nadir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est sorti de Médina, comme à son habitude, il a mis un responsable en son absence, qui est Sibar ibn Urfata. Comme on trouve dans le recueil de l'imam Ahmed, et comme on trouve dans le hadith d'Abi Hurayra, lorsqu'il s'est converti à l'islam, il est venu avec des gens à Al-Madina, il nous dit qu'il a trouvé Sibar ibn al-Urfuta. Et il nous dit qu'il a prié derrière lui. Et un jour, au Fajr, il a récité Suratu Maryam, dans la première raka'a, et dans la deuxième, Al-Mutaffifin. Alors Sibar ibn al-Urfuta, زودهم بالطعام وما يحتاجون إليه حتى بلغوا خيبر. Le responsable du prophète alayhi salat wa salam al Medina a accordé à Abu Huraira et ceux qui étaient avec lui mada, nourriture et autres provisions pour rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Khaybar. Donc immédiatement, ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'armée du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam s'est dirigée vers Khaybar et ils élevaient leur voix en faisant du takbir. Ils élevaient leur voix en faisant du takbir. Et lorsque tu dis Allahu Akbar, cela signifie qu'Allah Azza wa Jal est plus grand que toute chose. Allah subhanahu wa ta'ala akbar fi rububiyyati. Allah est le plus grand dans sa seigneurie. C'est le seul maître des mondes, c'est le seul créateur, le seul maître, le seul gérant, le seul administrateur subhanahu wa ta'ala. Quand tu dis Allahu Akbar, ça veut dire qu'Allahu Akbar fi uluhiyyati. فهو المستحق للعباده وحده دون من سواه. C'est le seul qui mérite l'adoration et nul autre que lui ne mérite d'être adoré. Lorsque tu dis Allahu Akbar, cela signifie que Allah est Akbar fi asma'ihi wa sifatihi. Ça signifie qu'Allah est le plus grand dans ses noms et dans ses attributs. Il a les noms les plus sublimes, les attributs les plus complets, il n'est pas sujet à l'imperfection. Lorsque tu dis Allahu Akbar, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal est Akbar fi hukmihi, dans son jugement, dans tout ce qu'il décrète, dans tout ce qu'il juge, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une parole dans laquelle il y a tout le bien. C'est une parole qui est une des plus grandes éloges qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça n'est pas une parole qui est affiliée au terrorisme. Ça n'est pas une parole qui est la propriété de celui qui sème le désordre sur la terre ou qui commet des tueries et qui pourrait s'accaparer cette parole. Ainsi les musulmans auraient honte par la suite de dire Allahu Akbar. Non. Certes, nous on condamne le terrorisme et c'est un égarement évident qui n'est que le fruit du délaissement des bases de l'islam, de son apprentissage et du chemin de la sunna. De cela, ils sont tombés dans ces égarements. Suite à deux causes principales, comme le disent les savants. La première, l'exagération dans la religion. Et Allah Azza wa Jalla a interdit cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Yahl al-kitab, la ta'alu fi dinikum. Allah Azza wa Jalla a interdit l'exagération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit iyyakum wal-ghuluwa fi din. Prenez garde à l'exagération dans la religion. Il nous dit également halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Halaka al-mutanatti'un. Qalaha thalatha. Il nous dit également que périssent ou ont péri ceux qui exagèrent. Naam, ceux qui exagèrent. Tanattu', c'est une exagération particulière dans ta'aboud et autres points de la religion. La deuxième cause de leur égarement est leur passé. C'est que pour beaucoup d'eux dans leur passé, ils n'ont pas eu l'éducation de la droiture. Mais soit ils étaient dans des égarements, soit dans des drogues, soit dans des vols, soit dans... Et cette voie, naam, s'est rapprochée de leur voie du mal qu'ils avaient avant leur mise en pratique de la religion d'Allah Azza wa Jalla. Ils ont donc tenté de concilier entre le chemin du shaitan et le chemin d'Ar-Rahman, mais ces deux choses-là ne se mélangent pas. Ils sont donc tombés dans des extrémismes, et ont fait ce qu'ils ont fait, iyadan billah. Quant à l'islam, l'islam est innocent de ses agissements. L'islam est pur et purifié de tout extrémisme, de tout extrémisme. Wallahu musta'an. Donc cette parole-là, Allahu Akbar, c'est la parole par laquelle on entre en salat. C'est la parole par laquelle on entre en salat. Allahu Akbar, c'est la parole qu'on prononce lors de la joie, lors de l'étonnement. C'est la parole qu'on prononce dans nos ibadats. C'est la parole qu'on prononce avant de dormir. La parole qu'on prononce après salawat, dans tasbih, et ainsi de suite. Donc c'est une parole qui est une noblesse tout entière. Et même si elle est utilisée par des mauvaises personnes lorsqu'ils font des crimes ou autres, ce n'est pas pour autant qu'on va la délaisser nous, qui sommes sur le haq, bihamdillahi tabarak wa ta'ala. Donc les sahaba, sur le chemin de Khaybar, élevaient leur voix avec at-takbir. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Le prophète alayhi sallatu wa sallam leur a dit soyez doux envers vous-même, vous n'invoquez pas un sourd ni un absent. Innakum tad'una sami'an qariba. Mais vous ne faites qu'invoquer celui qui est parfaitement audient, qui entend tout et qui est proche. On voit ici, dans ce hadith qu'a rapporté l'imam al-Bukhari, rahimahullahu ta'ala, que le prophète, alayhi salat wa salam, a accordé de l'importance dans la da'wah et la tawhid, même en voyage. Et même lors de la guerre, il n'a pas été distrait un instant de l'appel au tawhid. Subhanallah. Dans ce moment-là, une personne aurait pu dire, on a besoin de tout le monde. Si je les conseille, peut-être que certains ne vont pas accepter. Certains peut-être vont partir. Comme certains minahil bid'a viennent nous dire. Na'am, il ne faut pas parler du shirk. Il ne faut pas parler du talisman. Venons, commence, on fait da'wah. On parle sur le paradis. On parle sur l'enfer. Parce que si vous parlez des talismans, et si vous parlez du shirk et des marabouts et des sorciers, les gens vont s'éloigner. Na'am, alors d'abord on va les tirer. Et ensuite, plus tard, on leur parlera du shirk. Ayyuhal jahil mubtadi'. Ô toi l'ignorant innovateur dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Ne sais-tu pas que si cet homme, tu lui parles du paradis, tu lui parles de l'enfer, et qu'il a du shirk, et qu'il adore un autre que Allah Azza wa Jalla, ses actions ne sont pas acceptées chez Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa law ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ألا لله الدين الخالص ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير إلى غير ذلك من الآيات التي تدعو إلى التوحيد وتحذر من الشرك هذا أصل أصيل. Ça c'est la base de l'islam. Appeler les gens à sortir de l'adoration d'autre qu'Allah, et on les appelle à venir à l'adoration d'Allah d'un culte sincère. Et tant que la personne n'a pas purifié son cœur de l'adoration d'un autre qu'Allah Azza wa Jal, son action elle n'est pas acceptée chez Allah. Allah nous dit dans le Coran, sur la traduction de sens de ces versets, il t'a été révélé, c'est-à-dire au messager d'Allah, à toi, ainsi que ceux qui t'ont précédé, c'est-à-dire les prophètes et les messagers. Si vous commettez le shirk, toutes vos actions seront annulées. Dans Surat al-Furqan, on fera avancer leurs actions et on les rendra poussière éparpillée. Poussière éparpillée. Donc celui qui a du shirk, qui adore un autre qu'Allah Azza wa Jal, même s'il fait du bien, même s'il vient à la mosquée, même s'il prie, tout cela n'est pas profitable pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la base. Il n'a pas la pureté de la croyance. Il n'a pas basé sa religion sur des bases authentiques. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la base du prêche. C'est le milieu et c'est la fin. Tout le Coran est venu pour cela. Tous les prophètes ont été envoyés pour cela. Comment est-ce qu'après ça, tu pourrais dire à une personne, non, ça n'est pas le moment d'appeler au tawhid. Non, ça n'est pas le moment de mettre en garde contre le shirk. Tu vois ici, en chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit, arbi'u ala anfusikum. Est-ce qu'ils sont en train de faire du mal? Ils font du dhikr. Pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les reprend et les éduque et leur dit de baisser la voix. Pourquoi? Il leur apprend à connaître Allah azza wa jalla encore mieux. Vous n'invoquez pas celui qui est sourd et absent, mais vous invoquez celui qui est parfaitement audient et qui est proche. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala, sami'an, qariban, il t'entend et il est proche, subhanahu wa ta'ala, et à la fin le prophète alayhi salatu wa salam a dit, wa huwa ma'akum, et il est avec vous, et il est avec vous, na'am. Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur sa monture. Il était derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a entendu dire ça. Quel est le prénom de Abu Musa. Abu Musa, c'est sa kunya. Quel est le prénom de Abu Musa radiallahu anhu? Et quelle est une de ses particularités? Indamen. Abu Musa, sahabi mashhur jiddan radiallahu anhu. C'est un compagnon très connu. Il avait une belle voix lorsqu'il psalmodiait le Coran. Naam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, il l'a trouvé en train de réciter le Coran. Il ne lui a pas annoncé sa venue, il l'a écouté. Puis il a su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était là. Il lui a fait ses éloges de par la lecture du Coran. Il lui a dit, ya Rasulallah, si j'avais su que tu étais là, j'aurais récité encore mieux. Naam, j'aurais récité encore mieux. Radiallahu anhu. Naam, donc quel est son prénom? Il a le prénom, je vais vous donner un indice, il a le prénom le plus aimé chez Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah. Abdullah, na'am. Ibn man? Abdullah ibn man? Ibn Qais. Abdullah ibn Qais. Radiallahu anhu Abu Musa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il l'a entendu dire la hawla wa la quwwata illa billah, il lui a dit ya Abdallah ibn Qais. Il lui a répondu la baika ya Rasulallah. Je réponds à ton appel au messager d'Allah. Qala ala adulluka ala kalimatin hiya kanzun min kunuz al-jannah. Ne vais-je pas t'indiquer une parole qui est un trésor des trésors du paradis? Ne vais-je pas t'indiquer une parole qui est un trésor des trésors du paradis? Fakultu bala ya Rasulallah. Je lui dis certes, au messager d'Allah. Faqala lahum nabi sallallahu alayhi wa sallam, la hawla wa la quwwata illa billah. Il est sur la monture du prophète alayhi sallatu wassalam. Et il se dirige pour al-harb, pour une guerre, très grande guerre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne al-tawhid. Lui enseigne des paroles où il y a la tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala. Que signifie la hawla wa la quwwata illa billah? La hawla wa la quwwata illa billah, kalimatu isti'ana, kalimatu tafwid. Quand tu dis la hawla wa la quwwata illa billah, tu dis que tu te décharges de toute force et de toute capacité de passer d'un état à un autre si ce n'est par Allah. La hawla, al-tahawul, c'est le fait de passer d'un état à un autre. Donc tu dis, tu attestes que ta faible personne n'a pas la capacité de passer d'un état à un autre. D'un mal vers un bien. De la maladie vers la guérison. De l'égarement vers la guidée. Naam. Wa la quwwa, ni la force de le faire, illa billah, si ce n'est pas Allah. Cette parole-là, ikhwan al-kiram, قال النبي عليه الصلاة والسلام كنز من كنوز الجنة. C'est un trésor des trésors du paradis. إذا كان الأمر كذلك ماذا نعمل؟ S'il en est ainsi, qu'est-ce que nous allons faire désormais؟ نكثر من هذه الكلمة. La citer souvent. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. Le prophète صلى الله عليه وسلم en chemin est passé par il s'est mis entre Khaybar et Ratafan. Il s'est mis entre Khaybar et Ratafan. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cela, comme c'est venu dans le recueil de Bukhari et Dala'il? Parce que Ratafan causait du tort au prophète alayhi sallatou wassalam, ils avaient un lien avec Khaybar. En se mettant entre les deux, il allait les empêcher de les rejoindre pour s'allier contre eux, contre les croyants, radiallahu anhum. Et il est resté dans un fiwad, dans une vallée, na'am, qui s'appelle Radi'. Lorsqu'ils sont arrivés à cet endroit proche de Khaybar, c'était avant le Fajr. Le prophète, alayhi sallatou wassalam, n'est pas entré à Khaybar. Il entrait tout le temps après le Fajr, ou souvent, au minimum, après le Fajr. Ils ont donc prié le Fajr. Ils ont prié Salat al-Fajr, comme c'est venu dans le recueil de l'imam al-Bukhari. Et Mada dans le recueil de l'imam Muslim. Par la suite, ils sont avancés vers Khaïba. Que s'est-il passé? Après le lever du soleil, les habitants de Khaïba sont sortis. Ils sont sortis et ils ont vu le prophète ﷺ et les compagnons. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Farou. Ils se sont sauvés et sont rentrés dans leur forteresse. Ils sont sortis et ils avaient les outils de l'agriculture. En fait, c'était des agriculteurs qui étaient partis travailler leur terre. Lorsqu'ils ont vu les compagnons, ils se sont sauvés et sont rentrés dans leur forteresse. Ils sont rentrés dans leur forteresse. Lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit Muhammadun wal Khamis. Muhammadun wal Khamis. Voici Muhammad et al Khamis. Que veut dire al Khamis? Que veut dire al Khamis? 5? Qu'est-ce que tu dis toi Yanis? Le cinquième? C'est qui a raison si c'est? Si c'est? C'est qui a raison? C'est lui? Allez, on écoute l'adhan ensuite on répond ça. Donc lorsqu'ils ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons, ils ont dit Hada Muhammadun wal Khamis. Voici Muhammad et al Khamis. Que signifie al Khamis? Comment? La destruction? Non. Al Jaysh? Inch'Allah. Kayf Hada? Pourquoi est-ce que c'est le Jaysh? Min ayi wajh? عندك شيء لا الخميس parce que dans un bataillon il y a 5 pas il y a الميمنه la partie droite الميسره la partie gauche il y a القلب il y a le cœur الساقه la comment on va dire ça la garde arrière, naam, l'arrière-garde, naam, l'arrière-garde, et il manque quoi? Al-Maymana, on l'a dit, Al-Maysara, Al-Muqaddima, naam, et il y a le front. Donc, il divisait en 5. C'est pour ça qu'on a appelé ça Al-Khamis. Wadah? Al-Khamis. Donc, lorsque tu veux traduire, il faut faire attention. Il faut l'explication des savants. On aurait pu dire le jeudi. On aurait pu dire le jeudi. Naam. Barakallahu fikum. Ensuite, ils se sont sauvés dans leur forteresse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu Akbar, Kharibat Khaiba. Lorsqu'il a vu cela, il a prononcé la grandeur d'Allah et a dit Khaiba est perdu. Inna idha nazalna bi sahati qawmin fasa sabahul munzarin. Comme l'a rapporté l'imam al-Bukhari. Certaines forteresses se sont opposées avec virulence et d'autres ont rapidement cédé. Et ils ont dit que Khaybar était séparé en deux. Il y avait deux grands côtés. Dans une partie, il y avait 5 forteresses. Celle de Na'im, de Sa'd, de Niza et d'autres. C'est des noms de forteresses. Et sur la deuxième, il y en avait 3. Sur le deuxième côté, il y en avait 3. Al-Qamous et d'autres. Et ils ont pour habitude de combattre de derrière les murs. Ce ne sont pas des gens qui sortent et qui combattent comme c'était connu. Ils ont commencé par la forteresse de Na'im. Et leur chef était Mahrab. Leur chef était Mahrab. Il est donc sorti. Naam. Et est-ce qu'on avait parlé de l'oncle de Salamat ibn al-Aqwa à la fin de la bataille de, ou bien à la fin de l'Hudaybiyah? La suite du long hadith qu'on a resté pour l'Hudaybiyah arriva jusqu'à cet endroit. Salamat ibn al-Aqwa raconte lui-même, il dit Fakharaja ammi Amir. L'oncle de Salamat ibn al-Aqwa s'appelle Amir radiyallahu anhu. Yartajizu bil qawm. Tallahi lawla Allah ma ihtadayna wa la tasaddaqna wa la sallayna wa nahnu an fadlika wa nahnu an fadlika mastaghnayna wa thabbit al aqdama illa qina wa anzilan sakinatan alayna. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man hadha? Qala ana Amir. Qala ghafara laka rabbuk. Amir, l'oncle de Salamat ibn al-Aqwa radiyallahu anhu, est sorti dans les rangs. Il est sorti dans les rangs et c'est un poète. Et il faisait des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala par de nobles paroles en disant, par Allah, sans Allah nous n'aurions pas été guidés, on n'aurait pas fait d'aumône ni prié, et on ne peut se passer de tes grâces ô notre Seigneur. Jusqu'à la fin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a entendu ça, il a dit, qui est-ce? Amir a dit, c'est Amr. Le prophète sallallahu lui a dit, ton Seigneur t'a pardonné. Alors Omar ibn Khattab radiallahu anhu, si mes souvenirs sont bons, Naam, a dit, ô messager d'Allah, si seulement il serait resté encore plus parmi nous. Pourquoi est-ce que Omar ibn Khattab a dit ça? Car ils ont dit qu'à chaque fois que le prophète alayhi salatu wasalam faisait cette dua à quelqu'un dans cette situation, il décédait. Subhanallah. À chaque fois qu'il a fait cette dua pour une personne dans cette situation, il est décédé. Il est décédé. Alors Mahrab, qui était leur chef de cette forteresse, est sorti. Il est sorti et il a demandé le mubaraza. Il a demandé à combattre en proférant certaines paroles. Il a dit, قَدْ عَلِمَتْ خَيْبَرُ أَنِّي مَحْرَبُ شَاكِ السِّلَاحِ بَطَلُ الْمُجَرَّبُ, jusqu'à la fin de ses paroles. Alors Amir est sorti pour le combattre. Amir radiallahu anhu est sorti pour le combattre. Mais Mahda Mahrab l'a touché, Mahda, ou plutôt Amir, avec son épée, a touché Mahrab, Naam, puis il a essayé de le toucher vers le bas. Mais son épée est revenue sur lui et il est décédé des suites de sa propre blessure. Radiallahu anhu. Par la suite, certains ont dit Batala amal Amir. Les actions de Amir sont annulées. Pourquoi? Parce que ça ressemble au suicide. Et le suicide en islam, c'est interdit. Et c'est haram. Naam, c'est interdit, c'est haram. Même ceux qui disent, ils se font exploser, ils tuent, ils disent, fisabilillah. Ça, c'est fisabilillah shaytan. Dans l'islam, il n'y a pas de suicide permis. Dans l'islam, le suicide ou l'attentat suicide, c'est haram. C'est haram. Donc, ils ont pensé que ces actions avaient été annulées. Alors, Salamat ibn al-Aqwa, le neveu de cet homme, s'est attristé. Quand le prophète alayhi salam l'a vu, lui a dit, que t'arrive-t-il? Il a dit, certains hésitent à prier sur Amir et ils disent que ses actions sont vaines. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, kadaba ha'ul. Ils ont dit faux. Yani, ils n'ont pas dit vrai. Kadaba, yani, ça ne veut pas dire qu'ils ont menti. Ça veut dire akhta'u fi lughati ahli al-Hijaz. Ils se sont trompés. Pardon. نكتفي بهذا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين